La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographies et podcasts sur le site internet de Radio Culture. Bonjour Manon. Bonjour Sébastien. Eh bien, nous nous retrouvons donc pour la dernière de la saison, donc avant des vacances bien méritées au soleil. Et donc, pour aujourd'hui, on avait prévu de faire un petit peu le point sur l'actualité du monde arabe, l'actualité culturelle, politique, et puis également sur ce qui pouvait se passer à Dijon en langue arabe ou bien tout ce qui pouvait concerner la culture arabe. Donc voilà, c'est un petit peu les thématiques qu'on a retenues pour l'émission d'aujourd'hui. Et on va peut-être commencer par écouter un peu de musique. Oui, tu nous as prévu Naga qui est en duo avec Adnan Joubram. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors effectivement, c'est un morceau. Alors aujourd'hui, ça va être une spéciale Ibrahim Malouf. voilà, que tu aimes beaucoup. Que j'aime beaucoup. Et donc effectivement, il va y avoir trois morceaux de lui. On expliquera un petit peu d'ailleurs ensuite les raisons qui ont gouverné à ce choix. Et le premier morceau, effectivement, c'est un morceau où il invite donc le grand joueur de oud Adnan Joubran, qui fait donc partie du trio Joubran, et qui vont donc interpréter effectivement un morceau, Naga, qui est en fait une adaptation, une nouvelle version d'un thème très connu, Sa'alunin Nas, de Fairouz. Voilà, donc je vous laisse tout simplement découvrir. On écoute ça. Thank you. C'était donc le morceau Naga, donc un morceau interprété en duo par Ebrahim Maalouf, donc le grand trompettiste, qui était pour l'occasion et bien accompagné par Adnan Joubran, donc un grand oudiste qui fait donc partie, je rappelle, du trio Joubran, et il reprenait un thème très connu d'une chanson de Fairouz, Alounin Nes, donc qui fait partie, on va dire, des grands classiques de cette chanteuse. Voilà, donc on revient et bien dans notre émission, et on avait choisi comme premier thème eh bien de parler un petit peu de l'actualité du monde arabe, et surtout où est-ce qu'on peut se rendre se renseigner, oui, sur l'actualité concernant la culture arabe. Exactement. Alors on a beaucoup de possibilités, on a des possibilités, on va dire, physiques et d'autres virtuelles. Alors en possibilité physique, on oublie souvent quand on est à Dijon que Paris n'est pas si loin que ça et qu'on a la possibilité assez facilement de s'y rendre grâce au TGV dans un temps assez raisonnable, et que quand on descend à la gare de Lyon, il suffit de monter dans le 63, donc un bus bien commode juste en bas de la gare de Lyon, qui nous dépose eh bien pile poil devant l'Institut du monde arabe, qui est donc le grand institut dédié à la langue et aux cultures arabes en France. Et on a donc la possibilité dans ce... C'est un grand bâtiment hein, qui est donc en plein cœur, on va dire, de Paris, juste à côté du Jardin des Plantes, enfin, vraiment extrêmement bien situé, très bien desservi. Et on a la possibilité, eh bien, de se rendre déjà dans une bibliothèque très très bien fournie, avec des ouvrages en langue française, en langue arabe, des usuels, de l'actualité, donc tout ce qui est multimédia, mais également des quotidiens. On a la possibilité d'aller à la librairie, et encore une fois, des librairies consacrées à la culture arabe, il n'y en a pas tant que ça, donc tant qu'à faire, autant aller y farfouiller. Il y a énormément de choses au niveau des méthodes de langue, des ouvrages en langue française comme en langue arabe. On a des ouvrages de jeunesse bilingues, on a beaucoup également de musique, mais des DVD aussi. Donc c'est quand même un endroit où s'approvisionner assez facilement en culture arabe quand on a des envies, donc c'est quand même très très bien, et puis évidemment avec des gens sur place dans les librairies qui sont tout à fait spécialistes et capables de nous renseigner. On a des cours de langue arabe, alors c'est vrai que quand on y va une journée, bon, c'est peut-être un peu une gageure, mais en tout cas on a donc une grosse machine effectivement qui donne des cours à des niveaux extrêmement variés. Et on a très souvent des expositions. On a une exposition déjà permanente avec un fond qui a été complètement remis en scène hein, au niveau muséographique de manière tout à fait réussie. Donc on a déjà par cette visite permanente eh bien un accès tout à fait intéressant à la culture ou aux cultures arabes. Et on a très régulièrement des expositions qui tournent. On a pu avoir par exemple une exposition sur l'Orient Express. On a pu avoir une exposition sur le grand ouvrage Khalilia Wadimna. On en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard. Donc voilà, ça n'est pas loin de Dijon, hein, porte à porte. Eh bien, il faut compter 2 heures, et donc c'est tout à fait l'objet, eh bien, d'une escapade, par exemple, un week-end quand il pleut à Dijon, même si je sais que ça arrive très rarement. Ou entre deux trains quand on est sur Paris. Exactement. Donc il ne faut pas oublier cette première possibilité. Donc là, on est effectivement sur du physique. Quand on ne peut pas, on ne peut pas toujours, eh bien, on a une autre possibilité non moins intéressante, qui est le site officiel de la langue arabe en France, www.langue-arabe.fr, qui est un site géré notamment par l'Inspection Générale d'Arabe en France. Et on a donc sur ce site eh bien, déjà une actualité très régulièrement mise à jour, là encore sur les expositions, les concerts, les films, les ouvrages qui sortent. Ce qui est extrêmement intéressant, notamment pour les arabophones, quel que soit d'ailleurs le niveau, puisqu'on peut y accéder par différentes petites portes, mais on a accès non seulement à des informations en français, mais également en langue arabe. Donc ça permet aussi d'avoir des approches croisées, c'est quand même très précieux. On a accès également à des informations, on va dire, un peu plus permanentes. Où est-ce qu'on enseigne l'arabe en France? Quels sont les programmes d'enseignement sur les concours de recrutement? Donc, on a on va dire également des informations, on va dire, de fond, des documents pédagogiques ou non avec lesquels on peut travailler. Là encore, ce sont des ressources quand même très précieuses. Donc, je répète l'adresse du site www.langue-arabe.fr. Et donc l'agenda, on va dire, culturel, scientifique est très régulièrement mis à jour donc par un collègue, Mohamed Bakri. Et donc c'est extrêmement précieux. Ça fait quand même partie des ressources tout à fait intéressantes en ligne. Si je peux encore hasarder une dernière ressource, on a cette fois-ci, quand on s'intéresse plutôt à l'actualité géopolitique, économique, un site qui mérite d'être connu, c'est le site Orient 21. Alors, Orient 21, ça s'écrit Orient, O-R-I-E-N-T, X-X-I, donc comme 21 en chiffre latin, si ouais. On veut, en chiffre romain, point info. Donc, orient21.info. Et c'est un site extrêmement précieux parce que il est déjà libre d'accès. On peut bien entendu contribuer pour soutenir leur effort qui est plus que remarquable. Et on a énormément d'articles en langue française, mais également en langue arabe, souvent des articles d'ailleurs dans les deux langues, traduits d'une langue vers l'autre, et qui sont des articles de fond, donc on a vraiment de l'épaisseur, rédigés par des spécialistes. Et qui ont peut-être un autre point de vue que les journalistes et les médias qu'on entend actuellement en France. Exactement. Et très souvent, eh bien, on a des gens qui prennent le temps de réfléchir. Alors évidemment, on va pas être bombardé d'articles tous les jours, donc ce ne sont pas des articles qui visent à faire le buzz. Et tant mieux. Ce sont des articles qui visent en général à nous faire réfléchir avec encore une fois des spécialistes de zones géographiques très différentes. On a des spécialistes des mondes arabes, mais également monde turc, monde iranien. Donc on a vraiment des regards croisés très très riches et très bien documentés, des bibliographies généralement qui accompagnent évidemment le travail. Très souvent ça peut être des universitaires ou bien des spécialistes de telle ou telle région. Je pense par exemple à Patrick Hemzadeh pour la Libye, donc un sujet qui peut parfois me tenir particulièrement à cœur. Donc on a vraiment des plumes tout à fait aiguisées. On a, là je regardais rapidement les dernières livraisons des articles sur des questions tout à fait épineuses, comme par exemple la question sahraoui, qui est très rarement abordée en France, donc une question sur effectivement le droit à l'indépendance de ces populations qui luttent justement depuis 1975 pour avoir leur territoire et donc jouir du droit à l'autodétermination comme il est prescrit par les Nations Unies. Et on a énormément effectivement de spécialistes qui interviennent sur des sujets qui traitent du monde, on va dire, oriental, mais au sens extrêmement large. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est important, encore une fois, de leur faire de la publicité. Bon, à toute petite échelle, il ne s'agit pas de sortir la grosse caisse, mais encore une fois, orient21.info, donc orientxxi.info, c'est un site qui mérite le coup d'œil. Est-ce que je peux encore hasarder une dernière recommandation ? Allez. Alors, on a aussi du papier. Alors, le papier existe encore, et pas simplement en tant que prospectus dans les boîtes aux lettres. On a, une revue mensuelle très connue qui s'appelle « L'Histoire ». Et l'Histoire, dans sa livraison de mai, alors on peut encore se la procurer sans doute quand on va un peu farfouiller chez certains libraires, mais on peut tout simplement la commander en ligne. Et dans sa livraison de mai 2016, l'Histoire nous propose un numéro avec un dossier spécial « Gouverner en islam, le vrai pouvoir des califes ». Et je tiens particulièrement à recommander la lecture de ce dossier, déjà parce qu'il est rédigé par des grands noms. Alors je feuillette en direct. On a tout d'abord un article de Françoise Michaud sur le calife abbasside et qui interroge sur le fait de savoir si c'est un pape ou un empereur. Donc Françoise Michaud, grande spécialiste effectivement de la question politique et de l'histoire classique. On a également eh bien, un article de Gabriel Martinez-Gros, chef de guerre, grand spécialiste d'Ibn Khaldoun, qui a donc sorti récemment un essai extrêmement stimulant, une brève histoire des empires, et donc il nous consacre effectivement, eh bien, un article sur, eh bien, la question du chef de guerre. Là encore, on ne peut qu'en recommander la lecture. Un petit peu après, on a un article de Julien Loiseau, le coup de force de Mustafa Kemal, là encore sur, eh bien, la question de l'abolition, cette fois-ci du califat. Enfin, le retour à la théocratie. Donc là, on est directement dans la question de la remise au goût du jour, si on peut dire, de la notion du concept de califat, donc avec cette proclamation du califat le 29 juin 2014 par les djihadistes donc de Daesh. Et donc on a effectivement dans un dossier extrêmement fourni, eh bien, un bel aperçu historique de cette question de gouverner en islam. Et on ne peut que recommander, eh bien, aux auditeurs d'aller se procurer ce numéro tout particulièrement dédié à la question de gouverner en islam. Voilà. Énormément d'informations. Et du coup, si nos auditeurs ont envie d'aller se renseigner sur Internet, eh ben, en attendant, nous, on va s'écouter du Ibrahim Malouf. Exactement. On continue toujours avec cet artiste que tu adores. Oui. Ce musicien que tu adores. Oui. Et cette fois-ci, c'est Hashish que tu as choisi. Exactement. Allez, on s'écoute. Bonne écoute. Hashish. Thank you. Ibrahim Malouf. Pourquoi Ibrahim Malouf? Allez, un petit peu de pub. Parce qu'il sera en concert au Zénith de Dijon mercredi 5 octobre prochain, donc à 20h. Et donc évidemment, allez-y nombreux, car c'est vraiment un extraordinaire musicien, un créateur incroyable. Et donc faites-vous plaisir, allez-y, je répète, mercredi 5 octobre 2016, au Zénith de Dijon à 20h. Voilà, le mot est dit, vous ne direz pas que vous n'étiez pas prêt. Voilà, voilà. On revient cette fois-ci à l'actualité peut-être un peu plus dijonnaise. Peut-être, qu'est-ce oui. qui se passe avec la langue arabe à Dijon, on va Exactement. Dire de manière permanente ou bien dans les actualités, on va dire prochaines. De manière permanente, petit rappel, on peut faire de l'arabe à Dijon. C'est on possible. Peut en faire. C'est possible, oui, oui, c'est possible. On peut en faire déjà quand on est dans le secondaire. Quand on est, par exemple, élève au collège, eh bien, depuis cette année, le collège Carnot propose, eh bien, dès la sixième, d'apprendre l'arabe dans un dispositif qui s'appelle classe bilingue. Et donc, eh bien, les élèves, dès la sixième, peuvent bénéficier d'un enseignement en arabe à hauteur de 2 à 3 heures par semaine, et puis poursuivre ensuite cinquième, quatrième, troisième. Ça, c'est la première possibilité quand on est au collège. Quand on est au lycée, ça existe déjà depuis un certain temps. Au lycée Charles de Gaulle, il y a eh bien une option arabe qui va d'ailleurs fonctionner de concert dans le cadre du dispositif Langue et Culture de la Méditerranée, avec des collègues notamment de lettres classiques et de philosophie. Et donc c'est important de savoir que eh bien dans cet établissement dijonnais, on peut aussi faire de l'arabe, donc en option en général sur des créneaux plutôt du midi. Quand on est un petit peu plus grand, on peut faire de l'arabe à l'université pour tous. Il y a des cours d'arabe pour grands débutants et faux débutants, qui sont en général donc le jeudi soir. Il y a la possibilité également de suivre des cours de civilisation, civilisation classique et civilisation moderne. On peut déjà annoncer le programme de l'an prochain. Il y aura donc une reprise sur, et puis on va travailler un petit peu sur, eh bien, les grands textes de l'islam, et avec des approches peut-être un petit peu différentes ou novatrices par rapport à ce que l'on rencontre de manière plus traditionnelle. Je n'en dis pas plus. Et on aura pour la question moderne, eh bien, la présentation d'une grande période très souvent ignorée du grand public qui s'appelle la Nahda, c'est-à-dire une grande période, eh bien, de réveil et de grand réformisme intellectuel, politique, économique au cœur des régions de l'islam, notamment en Égypte. Voilà pour l'université pour tous. L'information, c'est très facile. Il suffit de taper cours d'arabe à Dijon, et on tombe immédiatement sur la page Facebook qui, eh bien, donne l'actualité, les informations pour les inscriptions, les événements à venir, etc. Ça, c'est en ce qui concerne, on va dire, les structures un petit peu permanentes. On peut également dire que l'an prochain, eh bien, l'Opéra de Dijon a prévu de programmer eh bien, une version, on va dire, comme un opéra, de Kalila Wadimna, une grande œuvre d'Ibn Qaffar, qui est donc qui sont des fables animalières, fables politiques extrêmement connues, qui font partie de l'éducation de tout honnête homme. Et on aura donc le plaisir, eh bien, d'accueillir à Dijon en mai 2017 déjà, en mai 2017, et eh bien pour plusieurs représentations, le spectacle Kalila Wadimna. Plus proche de nous, il y aura à la fin du mois de juin prochain, le 23 juin pour être précis, une présentation, et c'est intéressant de le savoir parce qu'on, voilà, ça fait partie des petits trésors enfouis à Dijon, une présentation du fonds arabe de la Bibliothèque patrimoniale et d'études. Il y a des ouvrages, des manuscrits en langue arabe, il y a des manuscrits également en persan, il y a de très belles pièces également en ottoman, enfin en langue turque. Et il y aura une présentation donc de ce fonds qui se fera le jeudi 23 juin, le midi, dans le cadre des midis du patrimoine. Et donc, effectivement, ce sera l'occasion de découvrir eh bien, un fonds assez surprenant. Voilà. Et on n'en dira pas forcément plus, parce qu'encore une fois, c'est bien d'avoir quelques surprises. peut-être pourrions-nous dire également de quoi sera faite la saison prochaine dans La Malle de Sinbad. Exactement, parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière pour cette année, mais on te retrouve au mois de septembre. Exactement, car le mois d'été est un mois long, hein, on aime bien prendre du temps pour se reposer, pour lire, pour se promener. Et on réfléchit déjà quand même à ce qui va se passer à la rentrée. Il y a deux pistes qui sont explorées pour le moment. Une première plutôt musicale, ce serait donc une série spéciale dédiée à Oum Kalthoum, donc la grande diva, la grande chanteuse du XXe siècle arabe. Et là encore, surprise sur bien ce que nous passerons. Et une autre série d'émissions qui, elle, serait consacrée à des événements plus politiques d'aujourd'hui et d'hier, en abordant le thème du mur. Le mur tel qu'on peut le trouver dans des chroniques extrêmement anciennes, sur cette muraille de Gog et Magog, donc qui contenait les hordes barbares et qui les empêchait de déferler sur le monde civilisé. Et puis des murs beaucoup plus récents, tels que ceux que l'on peut trouver au Maroc, je pense au mur donc dans le désert sahraoui, ou également en Palestine avec l'édification du mur. Donc on aura l'occasion de revenir sur ces deux axes pendant la prochaine saison. De bien beaux sujets qu'on attend en fait avec impatience. Du coup, on n'a plus trop envie d'être cet été. Alors, Sébastien. Messi. Oui, voilà. Messi. Justement, on va finir avec Beyrouth. Donc, toujours Ibrahim Malouf, un artiste que tu adores tout particulièrement. C'est pour ça que tu l'as choisi pour cette dernière. Exactement. Et puis, juste après, tu as eu un petit coup de cœur, dijonnais, on peut le dire, avec Iltika. Donc, c'est un groupe qui a été créé en 2004-2005. Et ils ont déjà deux albums, Hybrid et La Rencontre. Et tu les as vus en concert. Exactement. Ça date un petit peu. Hein. C'était il y a un certain temps, on va dire. Mais donc, en concert, ils ont une prestation sur scène qui était absolument époustouflante. Et leurs albums sont de très, très bonne facture. Donc, évidemment, on ne peut que très vivement, très chaudement les recommander. Et donc, voilà, le groupe Iltika, donc en arabe, La Rencontre, et qui ont déjà produit deux albums, donc avec leur chanteur phare, hein, donc Sidi Naïm. Donc, Sidi, si tu nous écoutes, encore merci pour ce son. C'est du bon, c'est du pur. Et donc voilà, ce sera la surprise de la fin après le morceau Beyrouth d'Ibrahim Malouf. Qu'on va écouter maintenant. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Thank you. paraît qu'il y a du monde, mais chacun dans son coin, avide de rencontres parce que maintenant y'a rien. Il paraît qu'il y a du monde qui veut pas se laisser faire, qui veut pas être une ombre, c'est sûr, c'est clair. Il paraît qu'il y a du monde, du bruit et des odeurs, et vivement que ça inonde, moi j'aimerais plus de couleurs. Il paraît qu'il y a du monde, ouais, il paraît, ouais, il paraît. Il paraît qu'il y a du monde pour sauver l'environnement. Ceux qui font attention, pas ceux qui aiment la mer pour chier dedans. Il paraît qu'il y a du monde qui aime la nature, pas de ceux qui plombent camouflés dans la verdure. Il paraît qu'il y a du monde qui voit plus les étoiles, avec toutes sortes de pollution, cherche plus, ça fait un bail. Il paraît qu'il y a du monde, ouais, il paraît, ouais, il paraît. Il paraît qu'il y a du monde qui voit que demain c'est loin, mais un regard de monde te dit que vite fait ça vient. Il paraît qu'il y a du monde généreux pour recevoir, et d'autres qui ne trompent ni ne volent, ça faut le savoir. Il paraît qu'il y a du monde qui bloque encore devant une fleur, qui la regarde avec passion, peuvent la sentir pendant des heures. Il paraît qu'il y a du monde, ouais, il paraît, ouais, il paraît. Il paraît qu'il y a du monde qui sait encore dire merci. Bonjour et au revoir, c'est rien, mais j'apprécie. Il paraît qu'il y a du monde qui peut encore s'arrêter pour tendre la main pour quelqu'un qui est tombé. Il paraît qu'il y a du monde qui veut pas tout niquer, au contraire. Et pour tout l'or du monde, je te jure qu'on va le faire. Il paraît qu'il y a du monde. Ouais, il paraît, ouais, il paraît. Here we go again. Encore s'amuser, sans cache ton fumée, sans boisson alcoolisée. Il paraît qu'il y a du monde emmerdé par un seul homme. Personne ne bronche, ça fait chier, alors on grogne. Il paraît qu'il y a du monde, selon les médias. Beaucoup moins dit la police, mais nous, on sait qu'on est là. Il paraît qu'il y a du monde. Il paraît, ouais. Il paraît qu'il y a du monde qui parle encore de liberté, mais rends-toi compte qu'on est tous filmés, fichés, tout contrôlés. Il paraît qu'il y a du monde qui comprend pas l'égalité. Non mais tu te rends compte, la France d'en bas, ils l'ont créée. Il paraît qu'il y a du monde qui voit pas la fraternité. Y'a du pain plein les poubelles que d'autres ont jamais lisé. Il paraît qu'il y a du monde, ouais. Il paraît, ouais. Il paraît qu'il y a du monde qui a compris leur solution. C'est sans compromission, putain, la division. Il paraît qu'il y a du monde qui n'est pas extrémiste, qui n'est pas homophobe, misogyne ni raciste. Il paraît qu'il y a du monde, une série devant sa télé, qui se dit c'est trop cool, mais putain, pourquoi ils l'ont fait. Il paraît qu'il y a du monde, ouais. Il paraît, ouais. Il paraît qu'il y a du monde qui vit dans moins de 15 mètres carrés, mais la véritable honte, c'est le prix de leur loyer. Il paraît qu'il y a du monde qui voit qu'on est manipulé, mais qu'est-ce que tu veux quand le reste veut rester les yeux bandés. Il paraît qu'il y a du monde chargé d'envie qui tourne en rond, l'ambition rien à carrer, on veut du vrai, du beau, du bon. Il paraît qu'il y a du monde, Il paraît. Être simplement une statistique, une sorte de rumeur. On veut du vrai, du beau, du bon. Y'a de plus en plus de marginaux, que ça soit chez toi ou près de chez nous. Près de chez nous, près de chez nous, près de chez nous, près de chez nous, près de chez nous. En plus de marginaux, que ça soit chez toi ou près de chez nous, près de chez nous, près de chez nous, près de chez nous, près de chez nous, près de chez nous. Il paraît qu'il y a du monde chargé d'envie qui tourne en rond, l'ambition rien à carrer, on veut du vrai, du beau, du bon. On veut du vrai, du beau, du bon. Faut du vrai, du beau, du bon. Et bien voilà, c'était Sébastien pour la dernière de cette saison, dernière de la Malle de Sinbad, avec laquelle nous avons découvert les 7 voyages du marin, de Sinbad le marin, avec laquelle nous avons également un petit peu voyagé, cette fois-ci dans l'histoire du café, dans les pays qui ont accueilli ce produit nouveau, ce produit de l'époque moderne. Et l'an prochain, nous nous donnons rendez-vous pour aborder la vie d'Oum Kalthoum, grande diva de la chanson arabe au XXe siècle, ainsi qu'une série spéciale qui sera consacrée au mur. Et nous n'en disons pas plus. À très bientôt, un bel été.